C'est le site Vice qui a sorti l'information. Si vous utilisez encore des gifs, comme c'est mon cas, soit ces images numériques qui se répètent en boucle, c'est que vous êtes un boomer. Ça se trouve, vous avez à peine dépassé les 30 ans et vous en êtes déjà un. En tout cas, aux yeux de la société, vous en êtes un. D'un coup, d'un seul, tout ça parce que vous avez eu recours à ce type d'image. C'est assez injuste d'ailleurs, on était hyper à l'aise, on se sentait inattaquable en balançant des gifs à tout va, des nounours qui sautent, des Leonardo DiCaprio coupe à la main, des petites filles dubitatives. Et puis non, rappel à l'ordre, ce n'est pas seulement qu'on a vieilli et qu'on l'apprend à nos dépens, mais que tout le monde le sait et nous classe désormais dans la case floue mais tant redoutée du boomer, soit cet individu avec des idées datées sur l'écologie ou les femmes. On en viendrait presque à parler d'une nouvelle hantise, Guillaume, celle d'être un boomer, du moins celle d'être étiqueté boomer, ce qui pose la double et douloureuse question, qu'est-ce qu'un boomer déjà? Et qu'est-ce qu'une étiquette? Et oui, alors on va commencer par laquelle de ces deux questions, Géraldine? Eh bien, revenons aux fondamentaux, l'étiquette, car ce qui est bien avec l'étiquette, c'est qu'Henri Bergson en a déjà parlé et c'est déjà très bien. Nous ne voyons pas les mêmes choses, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance est accentuée sous l'influence du langage, car le mot qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal s'insinue entre elle et nous. Ouais, j'invite les auditeurs et auditrices à vraiment relire très bien cette vraiment citation. Non, mais vous l'avez très bien lu. Vous trouvez que je l'ai mal lu? Non, si vous l'avez très bien lu, mais je pense vraiment qu'il faut bien l'intégrer. Donc, bon, je continue. À partir de là, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'une étiquette? On peut donc répondre, peu de choses. Puisque l'étiquette n'est justement pas une chose, mais s'insinue entre nous et la chose. Au fond, l'étiquette a beau avoir un pouvoir, faisant tout à la fois écran et signe, elle n'a ni complexité, ni consistance, elle n'a pas d'être. Être étiqueté boomer, ce n'est donc déjà pas être boomer, ce qui nous conduit, Guillaume, à la deuxième question. Être boomer a-t-il en tant que tel et indépendamment de l'étiquette un sens? Ah bien, pour ceux qui sont nés entre 43 et 66, comme Emmanuel Todd... C'était le point Todd à 8h55, voilà, je le cite comme ça pour l'exemple, eh bien oui. Mais pour les post-66 qui utilisent des gifs, eh ben non. Emmanuel Todd, imaginez, serait né en 67, mais aurait utilisé des gifs tout en écrivant un livre pro-patriarcat, on aurait pu l'étiqueter boomer, mais pas dire que c'était objectivement un boomer. Pourtant, et oui, pourtant apparaît quand même cet unique, mais néanmoins et toujours douloureux paradoxe, malgré cette absence de consistance de l'étiquette boomer, comment expliquer que l'attaque soit alors si consistante? Autrement dit, comment expliquer que deux catégories aussi floues et faibles ne s'annulent pas, mais se renforcent? Bergson, dans la suite de sa réflexion sur l'étiquette, déplore, mais je crois qu'on a quand même compris, l'appauvrissement des choses, mais aussi des états d'âme au contact du langage, au point de déclarer, et là je cite, « Nous mouvant parmi des généralités et des symboles, l'individualité nous échappe ». C'est vrai, mais avait-il saisi, Bergson, le pouvoir de l'étiquette? Non pas d'appauvrissement de l'individualité, mais d'enrichissement de notre sociabilité, ou de notre socialité, si je puis dire. Avait-il saisi qu'en dehors de l'être des choses et de la complexité des états d'âme, il existait justement une autre catégorie d'existence, ce qu'il nomme symbole? Alors bah oui, puisqu'il en parle, mais avait-il perçu la manière dont ce genre d'étiquette, bobo, hipster, vieux con, boomer, avait à la fois, et on le sait tous, quelque chose d'aliénant et de simpliste, mais également de percutant, cette capacité à situer d'un trait l'enjeu d'un propos et à entrer en connivence avec notre interlocuteur. Comme quoi, gif ou pas, définition ou pas du boomer, on se comprend bien, non?